Louange au néant par Eric Arasim. C'est lui, le mystère, c'est lui, savourez-le. Louange au souffle d'argile, brûle les dunes d'une haleine meurtrière. Lune de pluie assèche les gravières, les terres paysannes, répandant le néant au seuil de son ombre. Les jours sont comptés pour ceux qui inhument les muettes ou cheptis. Œil ou Dja borgne comme un cyclope qui tente d'observer Orion, le grand baudrier des discrètes nuits, monoculaire, dissèque l'obscur rideau d'étoiles, s'étendant en route de l'étage, celle qui abreuve les enfants de Saturne, ces tristes mélancoliques aux pensées évasives qui se cachent dans les estampes de Dürer ou mettent fin à leur jour. Raccord rhapsodique aux promesses les plus élémentaires, quand les sons des mots produisent une langue inconnue, variation syntaxique d'une part, microscopique d'autre part, nous immerge dans l'intelligence de la parole paramétrique phonatoire. Que ce que l'on voit par Zeus, assurément, les choses divines voyagent, emportées dans le ciel par l'absurde néant, sans recours au pinceau, précisément, dans des conditions climatiques directement héritées du passé ou présageant un sombre avenir en préface du grand livre qu'Homère ou Moïse eux-mêmes n'auraient pu écrire. Le corps humain est une plante informe, magnétique, une tige implantée dans le terreau des désirs incultes, infertiles au passage des saisons, qui n'offre au regard de tout un chacun qu'une silhouette au contour noir de primitifs souhaits. Formation des nuages, toujours dans l'impasse, infini combinatoire de l'aléa et des vents frappant le clair-obscur des sombres horizons au lavis de l'azur informe. La nuit s'allonge d'un adieu magique, obsolescent. Passe au doble du mental. C'est bizarre, déconcertant, dans quel sens le penser, trouble compromettant, légère secousse cérébrale, paradoxale. Le philosophe traverse toutes les difficultés au voisinage des concepts surannés, des théories avariées, des idéologies en décomposition, d'élitement macrocosmique. Lorsque dérive en soi des sentiments plus sombres que la roche calcinée par le soleil à l'Orient ou par le feu du cratère aux abords du néant, grandissent alors les sommets d'une tristesse singulière que l'esprit répugne à imaginer dans l'ordre du vivant. Ici se termine Louange au néant par Eric Arasim. Illustration musicale de Pascal Mancarelli. Enregistré par Christiane Johan sous licence CC BY-NC-ND.